Vous êtes de retour à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des Ondes. Et comme à l'habitude, en ce temps-ci de l'émission, c'est le commentaire de disque de la semaine. Commentaire de disque que vous pouvez lire sur le site de québecpop.com ou encore ma page Facebook de Canrock, CANROCK. Cette semaine, ça s'en vient de Frank Williams. Belle découverte venant de l'Acadie. L'auteur, compositeur, interprète Frank Williams nous présente « Ça s'en vient », un premier opus solide qui sera plaire aux amateurs de musique en provenance de Music City, USA. Et oui, dès les premiers accords de « Donne-moi un verre » qu'on va entendre dans quelques instants, c'est inévitable. On reconnaît l'influence du son Nashville et des Eagles. Il nous offre tout un verre d'oreille avec la pièce qui roule en ce moment sur les ondes radio « Prends ma main ». Un superbe beau texte rempli de compassion déposé sur une des plus belles trames country de l'album. Autre excellente pièce qu'on va entendre un petit peu plus tard au cours du commentaire, c'est la pièce « Maudit que je t'aime », oui, « Maudit que je t'aime », un de mes coups de cœur qui me rappelle un certain groupe hyper populaire dans les années 70, les Eagles. Les orchestrations de cette pièce sont assez profondes. Je vous donne une adresse, bien sûr, franktrédignonwilliams.ca ou encore sûrement Distribution Plage, www.plage.net. Allez mettre la main sur ce disque-là, c'est génial. Voici la première plage qui donne vraiment le son de l'album. C'est fort intéressant et si vous aimez le style, vous allez adorer parce que c'est vraiment un bel univers country, folk, rock un peu. Très intéressant. Voici Frank Williams et la chanson, c'est tout simplement « Donne-moi un verre ». Je suis parti de chez nous, ben trop primé pour ma soirée. Passer la nuit avec des fous, je suis arrivé ben trop gamé. T'as su, je te disais pas la vérité. T'étais pas mal enragé, moi j'avais de la misère à marcher. So, je suis allé me coucher le lendemain, so backstarté. J't'ai watché prendre des choses et décoller. Donne-moi un verre pour m'aider à oublier. Je sens le désespoir, est-ce que ça va passer? J'aurais besoin plus qu'une bière à soir. Donne-moi mon whisky puis mes papiers à rouler. Depuis que t'es parti, j'ai la misère à survivre. Les journées sont longues, maudites, puis n'a plein d'autres à venir. J'aimerais ça t'avoir un bac dans ma vie. Donne-moi un verre pour m'aider à oublier. Je sens le désespoir, qu'est-ce que ça va passer? J'aurais besoin plus qu'une bière à soir. Donne-moi mon whisky puis mes papiers. Je te supplie, viens me retrouver. Je peux plus continuer. Je monte te voir avec moi dans le miroir. Je te laisse aller ma beauté. T'aimes l'oiseau, laisse-le voler. Si qu'elle t'aime à venir te voir. Sauf je vais te laisser voler. Donne-moi un verre Frank Williams reçoit deux belles pièces de Paul Darèche, dont ma préférée de l'album, La vie sans toi. Une belle ballade aux orchestrations magnifiques et le plus beau texte du disque. L'artiste acadien nous offre aussi deux pièces magnifiques en anglais pour courtiser ce marché, soit Forever True et Thinking of You, qui sont deux petits bijoux à découvrir. Ce merveilleux disque se termine par une autre excellente chanson, un peu à la Eagles, Laissez le bon temps, qui est vraiment une belle fin, assez smooth pour l'album. Pièce qu'on va entendre en fin de commentaire, vous allez voir, très très très bonne pièce. Allez faire un tour, comme je vous dis, distribution plage, www.plage.net, sûrement que l'album est disponible là. Sinon, allez découvrir l'univers de Frank Williams en allant au franktridionwilliams.ca. On va y aller avec une autre pièce très intéressante, un excellent extrait radio. Maudit que je t'aime, Frank Williams. On peut pas toujours se suivre, on peut pas toujours se dire, se dire qu'on s'aime, maudit ça me chavire. Séparé par la distance, d'Abitibi peut-être en France, j'ai toujours rêvé cette vie, mais ça me chavire. Mais si tu m'aimes, chroniqueur de disques, des fois, il nous arrive de recevoir de belles surprises. Ça s'en vient de Frank Williams en des tunes L'auteur, compositeur, interprète acadien nous charme avec sa plume magnifique qui nous rappelle Music City USA. C'est vraiment très Nashville et si vous aimez ce genre de country-là, vous allez adorer l'album. Des orchestrations solides, des textes bien fignolés, voici les armes de prédilection de Frank Williams pour captiver notre attention. Découvrez l'univers de ce jeune artiste en visitant son site internet le www.franktridionwilliams.ca ou encore allez faire un tour sur Distribution Plage, je suis certain que l'album s'y retrouve. Plage avec un S.net pour vous procurer l'excellent produit acadien. On est avec une dernière pièce, ça termine l'album et ça fait très Eagles comme son, mais c'est tellement bon. Voici Laissez le bon temps, Monsieur Frank Williams. Laissez les bons temps rouler, laissez les bons temps venir nous trouver, parce qu'on sait pas quand est-ce que Dieu va venir nous chercher. Je m'en rappelle quand j'étais jeune, sur le bord du quai à Capelet. assis sur le bord du chair. Je regarde l'autre bord de la mer. Je suis supposé d'y voir l'île du Prince-Édouard. Je vois pas rien, y'a trop de brume dans l'air. Les chums sont partis hier matin, partis pour gagner le pain. Ils sont trop loadés quand le storm y a fessé, faisant couler notre robot d'acier. La saison de crabe vient de commencer. La glace vient à peine de dégeler. Ils sont deux semaines en retard pour la pêche au houmard. On sait pas s'ils vont en profiter. Yeah. On a débuté le bloc Québec-Ontario, le bloc de l'Est, avec M. Clifford Bro, un gars que j'ai retrouvé sur Facebook tout récemment. Allez faire ça sur Facebook, Clifford Bro, puis écoutez sa musique, c'est vraiment très intéressant. Il était, il restait dans l'Est de l'Ontario il y a quelques années, et puis il a sorti un album magnifique, Manufacture d'acier. On vient l'entendre, une des belles pièces qu'on retrouve sur cet album-là. Sur le bord du tree, très très belle pièce, longue pièce mais très intéressante. On voyait là que de nouvelles pièces, il y a un autre auteur-compositeur-interprète que j'ai croisé il y a quelques années, et là on a repris contact comme ça. Son nom c'est Éric Dunord, et il m'a proposé une chanson. Il dit écoute ça, puis si tu trouves ça intéressant, ben joue-la, ben je vais en jouer parce que c'est intéressant. Écœuré d'être écœuré. Très belle pièce. Écoutez la mélodie, c'est vraiment magnifique. Et par la suite, bon box set pour Brasse Camarade. Je pense que ça s'en vient très, très bientôt. On va écouter une nouvelle version de Maudit Manège. Excellent. Mais pour l'instant, écœuré d'être écœuré. Éric Dunord. J'ai pas misère à m'endormir. Je suis incapable d'aller me coucher. J'étire la nuit et repousse le jour. Je suis fatigué d'être fatigué. Je suis lent à démarrer. Tôt ou tard le matin, le déjeuner me revigore, me dégourdit l'engin. Vois-tu dans mes yeux, ça fait longtemps que je suis orgueilleux. Je cours après quelque chose qui se sauve de moi. Petite voix intérieure, tu te prends pour qui avec ton parleur? Sommeil emporte-moi loin du pareil. Tu n'importe quoi. Enfin un jour exorcisé, le bien écœuré d'être écœuré. J'pédale vite sur mon bicycle. Je m'étouffe à prendre l'air. Le guidon est branlant. Les pneus sont à terre. S'assois-tu dans les cieux? Ça fait longtemps que c'est ombrageux. Je cours après quelque chose qui se sauve de moi. Mon affaire d'y revenir pour me sentir en vie. Petite paix intérieure, avec le temps tu prends de la valeur. Soleil éveille en moi une douce et savante voix. Bonjour, enfin chassé, le bien écœuré d'être écœuré, le bien écœuré d'être écœuré. cherche